Il est spirituellement impossible d'appliquer la parole de Dieu semaine après semaine sans noter aucun changement dans une vie. Bonjour, les ministères en contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Supposons que deux personnes sont présentes à un culte un dimanche matin. L'une est motivée et même transformée, tandis que l'autre ne réagit pratiquement pas à la parole. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Aujourd'hui, Charles Stanley vous relance avec la même question. Comment écoutez-vous la parole de Dieu? Il poursuit son étude de la parabole du semeur en s'attardant à présent sur les deux autres sortes d'auditeurs. Nous avons en effet étudié dans la dernière émission les caractéristiques des auditeurs fermés à la parole de Dieu et celles des auditeurs qui sont plutôt confus. Nous examinerons aujourd'hui ce qui différencie un auditeur dont la pensée est encombrée de celui qui est réellement engagé pour le Seigneur. Voici Charles Stanley. Lisons Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. » Écoutez à présent les paroles prononcées par Jésus au verset 9. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Quel genre d'auditeur êtes-vous? D'après les Écritures, il existe quatre types d'auditeurs. Demandez au Seigneur de vous montrer la catégorie à laquelle vous appartenez. Car votre façon d'écouter détermine votre façon de vivre, et votre façon de vivre déterminera si votre vie sera féconde ou au contraire stérile. Songez au nombre de prédications que vous avez entendues depuis le jour de votre conversion et au nombre de fois où vous êtes allé à l'Église. À présent, questionnez-vous honnêtement sur votre cheminement spirituel. Votre degré d'intimité avec Dieu dépend directement de la façon dont vous avez écouté sa parole durant toutes ces années. J'aimerais vous apporter les preuves d'une telle affirmation pendant cette deuxième partie de la série qui s'intitule « Comment écoutez-vous la parole de Dieu ?» Le premier type d'auditeur est celui qui n'est pas réceptif à la parole. Revenons au verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Pour comprendre la signification de ce verset, regardons l'explication fournie au verset 18. Car Jésus nous donne l'explication de la parabole à partir de ce verset jusqu'au verset 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voici ma définition de ce type d'auditeur. Il s'assoit et écoute passivement. Il a déjà écouté beaucoup de sermons dans sa vie et il en écoutera sans doute beaucoup d'autres. Il écoute celui d'aujourd'hui, mais sans aucune intention de le mettre en application dans sa vie. Il écoute le message de la parole de Dieu sans plus. Il est donc fermé à la parole de Dieu. D'après la parabole, Satan s'approche à ce moment précis pour dérober la vérité à ce genre d'auditeur. Si nous ne saisissons pas l'occasion offerte par Dieu, si nous ne prenons pas l'initiative d'appliquer dans notre vie la vérité que nous venons d'entendre, Satan nous la dérobera. Il le fera toutes les fois que nous lui permettrons. Nous venons d'examiner le premier type d'auditeur, celui qui est fermé à la parole de Dieu. Le deuxième type d'auditeur est confus. Regardons un moment le verset 5. « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Lisons maintenant l'explication de Jésus au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Les gens qui correspondent à cette partie de la parabole refusent d'étudier la parole de Dieu sérieusement et de s'y enraciner. Leur fondement ne peut donc être solide. Ils flottent alors à tout vent de doctrine, car ils n'ont pas de fondement. Nous pouvons comparer ce genre d'auditeurs avec la semence tombant sur un sol rocailleux dans lequel elle ne peut pas s'enraciner. Il n'y a aucune chance d'établir un fondement solide, car lorsque la tempête survient, ces semences sont soufflées par le vent. Nous rencontrons parfois ce genre de personnes dans nos églises. Elles sont chrétiennes depuis parfois assez longtemps, mais dès que quelque chose se produit dans leur vie, une situation imprévue et difficile par exemple, elles renoncent à tout. Elles sont incapables de trouver des ressources en elles-mêmes pour faire face à l'épreuve. Peu de temps auparavant, elles glorifiaient le Seigneur et chantaient « Alléluia! Amen! » Tout était merveilleux. Soudain est survenu un temps de légère affliction. Qu'ont-elles fait? Elles ont tout simplement disparu. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas réellement Dieu. J'aimerais me faire bien comprendre. Vivre une expérience avec Jésus n'est pas mauvais en soi, loin de là, à condition que vous soyez fondés en lui. Sinon, à la moindre difficulté, vous chancellerez. La Bible affirme que la vie chrétienne implique le renouvellement de la pensée. Et pour y arriver, nous devons concentrer notre pensée sur Dieu. Je vous le demande. Êtes-vous un auditeur non réceptif à la parole de Dieu? Êtes-vous un auditeur confus? Il existe un troisième type d'auditeur. Pour le découvrir, revenons à la parabole du semeur de Matthieu 13, verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Allons décoder le sens de cette illustration au verset 22. Jésus nous dit que « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Ce verset décrit l'auditeur dont la pensée est encombrée par toutes sortes de problèmes. Regardons un peu ce qui se passe dans la tête d'une personne à la pensée encombrée pendant qu'elle est assise à l'église le dimanche matin, écoutant le pasteur prêcher la parole de Dieu. Ce dernier dit « Voici ce que signifie cette parabole. » Elle pense « Je me demande quel vêtement je vais porter demain matin. »« Oh non, ce n'est pas possible. J'ai oublié de repasser cette robe. » Elle se remet à écouter la prédication pour un moment pendant qu'il explique maintenant comment on peut être pardonné. Elle repart dans sa bulle, en route vers d'autres préoccupations. Elle est préoccupée par toutes sortes de choses. Le dimanche matin, nous arrivons à l'église avec une pensée remplie d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes préoccupés par des gens, nos soucis financiers, notre travail, nos études, l'amertume, la rancune à l'égard de personnes ou de blessures mal guéries. Notre cerveau travaille constamment, ce qui nuit à notre communion avec Dieu. Nous sommes immobilisés, coincés par un embouteillage de soucis de toutes sortes. Or, Jésus dit bien, la personne à la pensée encombrée est comme l'homme qui sème et dont le grain tombe parmi les épines, et les épines étouffent la plante qui pousse. Considérez ma question honnêtement. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé assis à écouter attentivement la prédication? Combien de fois avez-vous tenté sincèrement d'écouter le message du pasteur, sans succès, car vous étiez aux prises avec toutes sortes de pensées? Pendant que vous tentiez de vous concentrer sur le sermon, Satan vous bombardait avec hier, aujourd'hui, demain et toujours. Soudain, vous n'écoutiez plus ce que le pasteur prêchait. Vous vous débattiez avec toutes sortes de choses du passé ou du présent. De là naissent des angoisses et vous commencez à écrire des scénarios sur ce qui pourrait arriver. Les soucis vous assaillent et vous vous sentez de plus en plus lourd, coincé sous une pile de problèmes qui engorgent votre pensée. Que se produit-il alors? Il n'y a plus de place pour Dieu dans votre cœur. Je n'affirme pas que vous avez perdu votre salut. Je dis simplement que la communication avec Dieu est rompue. Il devient très difficile pour lui de vous parler avec autant d'interférences sur la ligne. Vous pouvez écouter une émission de télévision, de radio ou même un enseignement que vous possédez sur cassette vidéo ou DVD et qui expose la parole de Dieu. Tout à coup, vous vous rendez compte que votre pensée dérive. Vous êtes à des années-lumière du sujet. Aussi, vous combattez contre vos pensées pour revenir sur la terre. Et savez-vous ce que Satan va faire? Il vous distraira précisément au plus haut point pour entraver votre communion avec le Seigneur. Il est maître à ce petit jeu. Voici ce qu'il faut bien comprendre. Pour entendre la parole de Dieu, il faut s'y préparer. Il est tout à fait naturel et normal d'entrer parfois dans la maison de Dieu le dimanche avec la tête remplie de la peine que vous a causée tant de souffrance pendant toute la semaine. Il est tout aussi naturel d'y entrer parfois avec nos pensées préoccupées par des questions concernant le travail, la famille ou les enfants. Mais avec une telle attitude, il est impossible d'écouter la parole de Dieu et d'être sensible à son esprit, car nous focalisons sur tout sauf sur lui. Rappelez-vous alors les paroles de Jésus, avec les soucis du siècle et la séduction des richesses. L'un comme l'autre sont temporaires et dérisoires comparés à l'éternité qui nous attend et à cette merveilleuse relation que nous vivons déjà avec notre Dieu. Et pourtant, ce genre d'auditeur à la pensée encombrée est assis à l'église et essaie de trouver un moyen de faire fructifier son argent comme si cela pouvait améliorer sa relation avec Dieu et lui donner entière satisfaction dans la vie. L'argent n'est pas mauvais en soi. Nous devons tous gagner notre vie. Mais quelle est la meilleure manière d'y arriver? Écoutez Dieu lorsqu'il vous parle et il vous montrera comment penser plus clairement à mieux subvenir à vos besoins. En résumé, l'homme à la pensée fermée ne veut pas entendre la vérité. Aussitôt que la parole de Dieu entre dans sa tête, elle en ressort aussitôt. Quant à l'auditeur confus, il ne s'embarrasse pas de détails comme la doctrine et l'étude de la parole de Dieu. Il se contente volontiers de glorifier le Seigneur. Celui dont la pensée est saturée, encombrée par divers soucis, n'est pas plus réceptif. Trop de souvenirs, de projets, de pensées diverses s'entrechoquent dans sa tête. La parole de Dieu est étouffée par tant de bruit. Ne l'oublions pas, Dieu veut transmettre sa vérité, car il veut nous placer dans une position où il peut nous bénir. Or, lorsque notre pensée est configurée automatiquement sur le mode « je résous mes problèmes moi-même sans l'aide de personne », Dieu ne peut pas intervenir et nous éclairer pour nous donner une solution simple qui nous mènerait à la vérité. J'aimerais vous poser une question. Diriez-vous d'une personne qui se concentre sur ses problèmes plutôt que sur Dieu qu'elle ne sait pas écouter? Bien entendu. Si une personne est incapable d'accorder toute son attention, ne serait-ce que pendant un court laps de temps, à Dieu pour écouter ce qu'il a à lui dire, cela signifie qu'elle a un problème. Sinon, comment expliquer qu'on soit insensible à ce Dieu tout-puissant qui a existé, qui existe et qui existera éternellement, qui nous a donné la vie éternelle, qui nous a préparé une place au ciel, qui répond à nos prières et à nos besoins, et devant lequel nous comparaîtrons tous au jour du jugement. Fort heureusement, il reste un quatrième type de sol, décrit au verset 8. Lisons ensemble Matthieu 13, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et Jésus nous donne encore la signification de cette partie de la parabole au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce quatrième type de sol est un bon sol. Ce sol, décrit dans le verset, est complètement opposé au précédent. À quoi ressemble la pensée d'une personne illustrée par cette bonne terre? D'abord, cette terre a été cultivée, sarclée, labourée et aérée. Elle est à présent prête à accueillir la semence. Cela étant, la terre fera germer les graines et le fruit jaillira. Les auditeurs qui possèdent ce genre de pensée sont engagés pour le Seigneur. Est-ce votre cas? Êtes-vous prêt à écouter Dieu? Ce qui caractérise le genre d'auditeur est leur désir d'apprendre de Dieu. Pourquoi certaines personnes ne veulent-elles pas entendre la parole de Dieu? Il y a deux raisons à cela. La première est l'orgueil. Ce genre d'auditeurs ne savent même pas ce qu'ils doivent savoir, mais ils pensent qu'ils en savent assez. La deuxième raison est la peur. Ils ont peur d'entendre la vérité, parce qu'elle pourrait exiger quelque chose d'eux et ils ne sont pas prêts à donner. Cependant, il reste la bonne terre. Il s'agit de la métaphore de la personne engagée pour le Seigneur, ouverte à apprendre de Dieu et à être corrigée par lui. Dieu peut tout montrer à un homme ou à une femme qui possède une telle attitude. Et l'inverse est aussi vrai. La personne la plus intelligente au monde ratera de grandes vérités spirituelles si elle n'accepte pas d'être corrigée. Un enfant de 6, de 7, de 8 ans ou plus qui assiste à un culte d'adoration croit que les paroles dites par le pasteur sont la vérité. Il entre dans l'église et il s'assoit, prêt à ce qu'on lui enseigne quelque chose. Il vient recevoir. Sa pensée est ouverte, son esprit est ouvert, et même s'il est en train de colorier son album, il écoute plus que nous pourrions le penser. Ou, s'il prend des notes, il ne comprend peut-être pas tout ce qu'il écrit, mais il en comprend une partie. Et que se produit-il alors? La vérité s'enfonce et progresse dans ce sol fertile. Et plus tard, sans qu'il en soit conscient et qu'il en ait souvenir, le Saint-Esprit lui rappelle cette vérité. Elle est enregistrée dans sa pensée, dans son cerveau. Elle fait maintenant partie de sa vie. Dès lors, l'Esprit de Dieu peut s'en servir pour former cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il est ouvert. Les adultes, par contre, sont souvent bourrés de préjugés, de pensées négatives. Ils sont incrédules. Ils doutent ou restent sceptiques. Or, la vérité doit se frayer un chemin à travers toute cette cacophonie. Nous devrions être comme ce petit enfant qui dit « Dites-le-moi et je vais le croire. » Et à mesure que Dieu lui enseigne la vérité, il l'applique. Je vais vous montrer maintenant comment cultiver ce genre de sol. Premièrement, engagez-vous envers Dieu. Et écoutez attentivement le message qu'il livre par la bouche du pasteur chaque dimanche. Engagez-vous à écouter Dieu. Deuxièmement, engagez-vous à résister par la foi à tout encombrement extérieur. Renvoyez toutes les pensées qui se présentent dans votre tête. Qu'il s'agisse de pensées sur vous hier, aujourd'hui ou demain, peu importe. Elles doivent toutes prendre le chemin de la sortie aussitôt qu'elles passent le pas de la porte. Vous n'avez pas absolument besoin de régler toutes sortes de problèmes pendant que vous êtes assis à l'église. Écoutez plutôt ce que Dieu veut vous dire. Engagez-vous par la foi à résister à ces bruits qui vous rendent confus. Troisièmement, engagez-vous à évaluer votre vie à la lumière de ce que vous entendez. Prenez l'initiative de passer votre vie au crible de cette vérité et dites à Dieu, « Seigneur, comment cet enseignement s'applique-t-il à moi? Quel rapport cela a-t-il avec ma vie? Quelle pensée jaillit-elle en moi en réaction à cet enseignement? » En un mot, appliquez l'enseignement dans votre vie. Quatrièmement, engagez-vous non seulement à évaluer votre vie à la lumière du message, mais engagez-vous aussi à appliquer les vérités mises dans votre cœur par le Seigneur. Car si vous ne le faites pas, Satan vous les dérobera. Et dernièrement, engagez-vous à obéir à ces vérités que Dieu inscrit dans votre vie. Pensez un peu à ce que cela pourrait vous apporter. si vous allez à l'église chaque dimanche, ou si vous écoutez un message chaque dimanche, vous entendrez 52 fois l'exposition de principes et de vérités bibliques. Vous ne pourrez jamais appliquer 52 vérités spirituelles dans votre vie sans que vous ne soyez transformé. Car si vous entendez message après message, vérité après vérité et principe après principe sans jamais grandir, il y a certainement un problème quelque part. Il est spirituellement impossible d'appliquer la parole de Dieu semaine après semaine tout en demeurant inchangé. Le plus étonnant à propos de la parole de Dieu, c'est que les auditeurs n'entendent pas tous la même chose. J'entends parfois des gens me dire « Vous avez vraiment parlé à mon cœur avec votre message aujourd'hui » et ils me parleront de quelque chose que je n'ai même pas mentionné. Mais ils ont entendu Dieu le leur dire. L'Esprit s'est révélé à eux d'une manière spéciale. La Bible affirme dans Hébreux chapitre 4, verset 12 « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu perce jusqu'à la moelle, c'est-à-dire qu'elle pénètre les cœurs et analyse les motivations et les pensées les plus profondes d'une personne. Le mystère de la prédication et de la puissance de la parole de Dieu est insondable. Je le répète, vous ne pourrez être un auditeur à la pensée engagée sans être un enfant de Dieu qui grandit, mûrit et porte du fruit. Car là où il y a Dieu, il y a forcément transformation. Ce qui nous amène à une question cruciale. Pourquoi certains d'entre vous ne grandissent-ils pas? Qu'est-ce qui entrave votre relation avec Dieu? Pour le savoir, demandez-vous quel genre d'auditeur vous êtes. Si la parole de Dieu change le cœur, la pensée, la vie, l'esprit, l'âme et le corps de l'homme, si la parole de Dieu est vérité et que je vous partage cette vérité, alors je dois vous demander, quel type d'auditeur êtes-vous? Si vous êtes un auditeur à la pensée engagée, vous ne pourrez rester tel que vous étiez après ce message. Il existe quatre genres d'auditeurs. Les non-réceptifs, les confus, ceux dont la pensée est encombrée et ceux qui sont engagés pour le Seigneur. De quelle catégorie faites-vous partie? Lequel décrit le mieux le genre d'auditeur que vous êtes? J'aimerais vous dire une dernière chose. Votre façon d'écouter déterminera votre façon de vivre, et votre façon de vivre déterminera comment Dieu vous bénira. Les bénédictions que vous recevez sont fonction de votre vie, et votre vie est directement dépendante de votre écoute. Si vous pensez avoir un problème d'écoute, je vous encourage à demander au Seigneur de parler à votre cœur. Par quoi votre pensée est-elle si préoccupée? Qu'est-ce qui encombre votre pensée au point de ne plus entendre Dieu à force d'écouter le monde? Satan dérobe une vérité après l'autre de votre vie. Pourquoi? Est-ce l'orgueil? Est-ce la peur? Le bien le plus précieux sur la surface de cette terre est la parole incomparable de Dieu. Comment pouvez-vous entendre autant et en même temps ne rien vouloir entendre? Savez-vous que nous devrons tous rendre compte de la vérité que nous aurons entendue pendant notre vie terrestre? Que direz-vous à votre Créateur le jour du jugement? J'ignore ce que vous direz, mais pour ma part, j'aimerais pouvoir le regarder en face et lui dire que j'ai au moins essayé de mettre en application les vérités entendues. La raison pour laquelle nous éprouvons tant de problèmes est très simple. Nous avons négligé d'écouter la vérité et de la mettre en pratique dans notre vie, ce qui nous aurait épargné bien des problèmes. Quel genre d'auditeur êtes-vous? Celui dont la pensée est fermée, confuse, encombrée ou engagée? Le message de Charles Stanley aujourd'hui nous encourageait à évaluer le genre d'auditeur que nous sommes. Or, il n'est pas ici seulement question du degré d'attention que nous portons au sermon. Il s'agit de notre capacité à être sensible aux douces incitations de l'Esprit de Dieu qui parle à notre cœur. Je dois le confesser, ce manque d'attention est bel et bien réel. Je le vis moi aussi, je ne m'en cache pas. Je dois reconnaître que je me laisse facilement distraire par toutes sortes de pensées et de préoccupations qui laissent peu d'occasion à la grâce de Dieu de se manifester en moi. Encore une fois, je ne parle pas spécifiquement du dimanche matin, mais de ma vie chrétienne en général. On dit qu'un chrétien devrait remettre la dîme, c'est-à-dire le dixième de son salaire, au Seigneur. Certains donnent plus, d'autres moins. Mais qu'en est-il de notre temps? Notre journée dure 24 heures. Soyons généreux, enlevons 8 heures de sommeil. Il nous reste 16 heures de veille. Sommes-nous prêts à donner le dixième de ce temps à Dieu pour simplement rechercher sa présence? Le dixième de 16 heures est 1h36. Sommes-nous prêts à consacrer ce temps exclusivement à notre Dieu? Et si nous lui demandions d'évaluer notre degré d'attention pendant ce temps de culte personnel, combien obtiendrions-nous? Peut-être pas toujours, malheureusement, les meilleurs scores. Bien sûr, nous pouvons évoquer le rythme trépidant de la vie moderne et l'époque incertaine dans laquelle nous vivons. Mais justement, pourquoi ne pas apporter nos soucis devant le trône de grâce? Le Seigneur attend que nous nous présentions devant lui. Il veut nous prodiguer de précieux conseils afin d'améliorer notre situation. Toutefois, c'est difficile. Nous aimons tant régler nos problèmes nous-mêmes. Pouvez-vous vous identifier à ce que je dis actuellement? Ne paniquons pas. Si le Saint-Esprit nous convainc présentement que nous pourrions investir plus de temps dans notre relation avec Dieu et lui donner plus d'attention, rien n'est perdu. Bien au contraire, c'est la preuve que notre cœur n'est pas endurci au point de ne plus l'écouter. Peu importe notre type de pensée présente, Dieu veut et peut nous faire évoluer et nous mettre dans une position où nous serons en mesure de grandir, d'être efficaces et utiles. Nous sommes responsables de notre ouverture et de notre soumission au message de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit vous a convaincu que vous étiez un auditeur à la pensée fermée, confuse ou encombrée, suivez le conseil de Charles Stanley et demandez au Seigneur de changer votre attitude afin de pouvoir devenir un auditeur à la pensée engagée. Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ces enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.